Donne-moi ma jalousie excessive, j'essaie de m'en sortir. Je m'aperçois aujourd'hui, je réalise que j'empoisonne ta vie. L'idée de te perdre, mes frères, je suis égoïste, je sais, je suis pris au piège d'un amour passionnel. Je ne peux plus. Hey, c'est mou, c'est moi, c'est mou. Hey, c'est mou. C'est mou, c'est moi, c'est mou. Eh, c'est mou. C'est mou, c'est moi, c'est mou. Eh, c'est mou. C'est mou, c'est moi, c'est mou. Mon attitude me fait hanter. Et je m'en rends malade. Mon attitude me fait hanter. Je sais, je suis minable. Surveiller tes faits et gestes. C'est plus fort que moi. Notre relation se détériore. J'en suis le responsable. Je ne peux plus. Hey, c'est mou. C'est mou, c'est moi. C'est mou. Hey, c'est mou. C'est mou, c'est moi. C'est mou. Hey, c'est mou. C'est mou, c'est moi. C'est mou. Confiance en moi, mensonge et trahison d'autres fois. Maintenant j'ai besoin de toi, laisse-moi un peu de temps et ça ira. J'ai perdu confiance en moi, mensonge et trahison d'autres fois. Maintenant j'ai besoin de toi, de toi, de toi, de toi. Mais je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots.